charpentier dit volontiers. Rien de niveau sur ma planète, mais ça reste un métier honnête. Tu pourrais faire un charpentier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des charpentiers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le jardinier dit volontiers, il a fait beau d'un jour de pluie, ça c'est un métier pour la vie. Tu pourrais faire un jardinier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des jardiniers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le savant dit, si vous saviez mon ignorance, le métier de la connaissance est mal connu et journalier. Mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des journaliers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas de mauvais soldats. Le prisonnier dit volontiers, faire du temps parlant de l'ombre, mais en voulant sortir du nombre, tu pourrais faire un prisonnier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des prisonniers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le chansonnier dit volontiers, j'aurais aimé être poète, or pour si peu qu'il le souhaite, chacun peut faire un chansonnier. Mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des romanciers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le brigadier dit volontiers, il faut être prêt pour la guerre, il faut des armes pour la faire. Reprends en cœur le financier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un bon métier d'aller casser des sabliers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Du dernier robot à deux pieds jusqu'aux distinctions les plus hautes, du brancardier au cosmonaute, la mort se prend pour un métier, car le destin d'un militaire, c'est de devenir son fusil, de devenir son propre outil, c'est le plus triste sur la terre. Le destin des militaires qui s'en vont au pas du et des soldats. Voilà, c'était un petit hommage à un vieux révolté, Gilles Vigneault, toujours vivant, et toujours révolté, je pense. Il y a pas de raison. Et je pense aussi que, voilà, si le Québec est aussi sensible et se révolte comme ça, c'est aussi grâce à des gens comme lui, comme aussi Félix Leclerc. Tout ça, ça a l'air de rien, mais ça remonte loin. C'est eux qui ont initié, comme on disait à l'époque, la révolution tranquille, qui ont fait changer le Québec, qui a rompu avec l'Église catholique d'une manière extraordinaire. Ils sont allés parfois bien plus loin que la Belgique, il faut bien reconnaître. Parce que là, quand ils ont rompu, ils ont bien rompu. Je dois dire que là, ils nous ont bien dépassés, je pense. Et la manière de vivre des jeunes Québécois est tout à fait différente de ce qu'elle était avant cette révolution tranquille. Hein. Ça s'est fait sans violence, avec des chansons comme Vigneault, Leclerc, et puis même Charlebois aussi, Robert Charlebois, c'était aussi un gars qui a participé à tout ça. Donc, bon, voilà, ça c'est un peu petite référence historique, on va dire, aux événements qui se passent maintenant. Maintenant, les étudiants sont dans la rue, et pas que les étudiants, et on va expliquer pourquoi... ce qu'on en sait, et aussi on va entrer en relation directe avec un camarade, Mario, à Montréal, qui nous expliquera tout à l'heure, vers 10h, là, ce qui se passe en ce moment même à Montréal. Donc, où en est le mouvement? Donc, c'est pour très bientôt, dans moins d'une demi-heure, on sera en relation directe avec Mario à Montréal. Bon. Voilà, ce qui se passe là en ce moment, c'est effectivement au départ une révolte étudiante, contre l'augmentation. Une formidable augmentation quand même. En 5 ans, ils veulent augmenter d'environ 80% le prix des études. C'est quelque chose que les étudiants et leurs parents, bien sûr, parce que voilà, ils n'acceptent pas. C'est quelque chose qui est en l'air depuis longtemps. Et en fait, il y a deux conceptions qui s'affrontent là maintenant. C'est d'une part ceux qui veulent un enseignement libre, gratuit, pour tous, l'émancipation par l'éducation, par l'enseignement, et ceux qui voient qui ont une conception plus libérale, on va dire, libérale, à l'américaine, USA, états-unienne, comme ils disent là-bas, voilà, c'est comme ça qu'ils parlent, une conception états-unienne de, où tout s'achète, où tout coûte très cher, et tant pis pour ceux qui peuvent pas suivre. Le Québec, faut bien se dire, fait un petit peu exception dans l'Amérique du Nord, où justement la conception libérale domine, sauf justement au Québec. Et c'est ce petit coin de terre qui résiste encore au libéralisme déchaîné qui est mis en question aujourd'hui. C'est vraiment ça ce qui se passe. Il faut vraiment penser que ce n'est pas simplement une question d'étudiants. Ça dépasse largement cela. Et je pense que on va l'entendre par Mario tout à l'heure. Et puis, voilà, je vais vous lire tout à l'heure aussi, avant ça, les correspondances qu'il nous a envoyées. Et c'est très clair. Ça dépasse largement une question de contestation étudiante. C'est une question vraiment fondamentale de conception de société. Est-ce qu'on accepte le libéralisme ou alors on fait autre chose? Et voilà. Et, bon, les étudiants là-bas, ils veulent autre chose. Jean-Marie Nates, le militant tel que je l'ai connu. Quand je l'ai connu, il venait de terminer l'université, en 1974. Il y avait fondé le cercle Bête et Méchant avec la bénédiction de l'équipe de Charlie Hebdo, chez qui il avait fait son stage de journalisme. Son mémoire portait sur Harakiri. Un de ses condisciples l'avait fait sur Charlie Hebdo. Au niveau militantisme pur, les Anards de Bruxelles sortaient d'une scission de l'Alliance et se sont un peu dispersés. En 1975, voyage au Portugal. La révolution des œillets avait fait tomber la dictature, donc le 25 avril 1974, et partout, des groupes de base s'organisent, souvent sans étiquette politique et paradoxalement souvent soutenus par l'armée. MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas. Nous avons rencontré beaucoup de monde et nous voulions témoigner. Jean-Marie, pigiste, essaye de placer des articles dans deux hebdomadaires de gauche, Hebdo 75 et Notre Temps, mais ils ne seront pas acceptés. C'est ainsi que nous créerons avec quelques rescapés Alternatives Libertaires à l'automne 75. 5 numéros sortiront à partir de cette petite équipe. Nous hébergeons un insoumis français de la région de Toulouse, ce qui affirmera nos contacts avec les anards de cette région. En effet, Jean-Marie a toujours privilégié la relation avec le compagnon dans d'autres pays, à Paris avec le Monde Libertaire, aussi avec un correspondant à Bordeaux, le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne, l'Institut international d'histoire sociale, mais aussi à Marseille avec Bianco. nous rencontrons régulièrement d'anciens réfugiés espagnols. En 1976, nous participerons aux Journées Libertaires à Barcelone, dans le parc Güell. En mars 1977, Jean-Marie fait partie des fondateurs de l'ASBL du 22 mars, qui avec Babar, Roger Noël, se dote d'une imprimerie, outil indispensable pour un mouvement qui cherche à diffuser les idées libertaires. Le groupe s'étoffe. L'imprimerie s'installe rue de l'Inquisition, dans la même rue que l'APL, Agence de Presse Libération, qui édite un bulletin d'information de lutte sociale et politique entre 1972 et 1993. Parallèlement, nous avons monté une bibliothèque d'abord, rue des Confédérés, puis rue de l'Ascension. En 1978, Jean-Marie et moi, nous faisons un voyage de 3 mois de l'autre côté du rideau de fer. En Pologne, nous rencontrons Jacek Kuron, juste de sortie d'une de ses nombreuses mises en prison. Il est un des fondateurs du Comité de défense des ouvriers et participera activement à la mise sur pied du mouvement Solidarność dans les années 1980. Après la démocratisation, au début des années 90, il sera ministre. À l'époque, nous lui apportons notre soutien et embarquons Tract Revue à diffuser en Belgique. Ce voyage nous a confirmé dans la désillusion, pour autant que l'illusion ait jamais existé, de la mise en œuvre de la doctrine marxiste. Entre 1978 et 1981, nous vivons en communauté avec des militants de l'APL et d'Alternatives Libertaires. C'est aussi le soutien aux différents mouvements, libération de la femme, écologie, pédagogie libertaire, tout mouvement qui trouve écho dans les colonnes de la revue Alternatives Libertaires. Nous essayons d'appliquer les idées libertaires dans la vie de tous les jours. Partage des tâches, pas toujours très au point pour le nettoyage, potager bio, confection d'un compost, poule pour nos œufs. Fondamentalement non violent, Jean-Marie participe aussi à différentes manifestations pacifistes. Avec Alternatives Libertaires, nous participons à différentes rencontres antinucléaires contre les constructions de Tihange, Doul et en France contre le surgénérateur. Contact aussi avec la Fédération des jeunes agriculteurs, les Amis de la Terre nouvellement créés. Pour la Belgique, c'était en 1976. Le CQFD, cycliste quotidien follement dynamique, le Comité d'action des prisonniers, etc. On a été à Paris aussi pour une interview avec Léo Campion. De 1981 à 1983, déménagement à la campagne dans l'idée de développer une certaine autarquie. L'expérience ne sera pas très longue. Au chômage, Jean-Marie est bénévole auprès de la coopérative culturelle Rue du Midi, local qui abritera par la suite le Centre Libertaire. Jean-Marie rédige des bribes d'une histoire de l'anarchisme en Belgique. Je ne sais pas où sont ces manuscrits, on va peut-être les retrouver. En 1983, la bibliothèque et le centre culturel déménagent rue de Pologne à Saint-Gilles. Le 1er janvier 1984, on fait des graffitis dans Bruxelles reprenant sous forme de slogan des aspects de la novlangue du livre de George Orwell. La guerre, c'est la paix, le ministère de la vérité. Aussi en 1984, nous participons aux Journées Libertaires de Venise. En 1985, nous sommes tous les deux bénévoles dispensés de pointage à la rue de Pologne. Organisation de conférences, de rencontres. En 1986, nous accueillons des élèves et enseignants du lycée autogéré de Saint-Nazaire. Une rencontre au lycée d'Ixelles, un passage sur Radio Air Libre. Nous avons 2 jeunes enfants. Le militantisme prend un tour plus intégré. Comité de quartier, la défense des habitants contre l'extension des bâtiments des communautés européennes, la Ligue des familles, tout en ne laissant pas les objectifs militaires. En 1990, Jean-Marie est scénariste pour le documentaire « Travailler à toute heure » réalisé par Jacques Bojkowski, qui montre l'impact des horaires de travail décalés sur la santé, la vie familiale et sociale des travailleurs. Je sais peu de choses de la jeunesse de Jean-Marie. Il m'a un jour confié que ses parents étaient personnels de maison chez une dame fortunée. Cela explique pour une part sa révolte contre l'autorité et l'exploitation. Mai 68, le trouve étudiant en journalisme à l'ULB. Il participe aux activités du cercle Bête et Méchant. Il sera un des fondateurs du groupe et du journal Alternative Libertaire qui sera, plus tard, publié par l'imprimerie du 22 mars, animé par Babar. La première fois que je l'ai vu, sans le connaître, c'est à la télé. Un débat sur l'anarchisme organisé par la RTB, après la projection de l'inévitable Bande à Bono avec Jacques Brel, milieu des années 70. À cette époque, je termine mes études secondaires. Nous nous sommes rencontrés quelques années plus tard, pendant mes études à l'ULB. Ça demande quelques explications sur mon parcours. Très jeune, je me déclare communiste, mais je me rends compte assez rapidement des dérives autoritaires des systèmes qui en courent. En 1975, je m'inscris en première candidature en mathématiques à l'ULB. J'acquiers une bonne connaissance des mouvements sociaux et des divers systèmes politiques, mais cela reste livresque. Le campus de la Plaine, où se trouve la faculté des sciences, était fort terne. Quelques étudiants en mathématiques, et en particulier les militants pour le socialisme, décident de l'animer. Je m'implique dans ce groupe. Nous nous organisons dans le cadre de Living Campus, la branche culturelle d'une association autogérée au sein de l'université qui regroupe, entre autres, le Centre de Planning Familial aimé à l'ULB et une papeterie coopérative. Quand l'animateur officiel, objecteur de conscience, termine son service en 1978, l'association décide d'engager deux personnes, une jeune femme dont j'ai oublié le nom, désolé, et Jean-Marie. Tous deux fréquentent la mouvance libertaire et vivent en communauté, mais pas la même. Nous devenons rapidement des amis. Jean-Marie est celui qui m'a ouvert le monde des anars, non seulement à Bruxelles, mais aussi à l'étranger. Il m'a invité à ma première conférence anarchiste, Maurice Lézan, au Mondaneum à Hiver. Je termine mes études en mathématiques en 1980. Je me déclare objecteur de conscience. L'entrée en service tarde jusqu'en 1982. Je reste en contact avec Jean-Marie et en 1982, il m'invite à rejoindre le groupe de compagnons qu'il a rassemblé pour fonder une association culturelle autour de laquelle il espère relancer des activités spécifiquement anarchistes. L'Alliance Libertaire, qui sera active de 1983 à 1987. Parmi les grands événements organisés, en 1984, la journée de l'anarchie, conférence, débat et fête sur le campus de la VUB, organisée par l'Alliance et des groupes flamands. En 1985, l'exposition Élysée Reclus à l'ULB. Jean-Marie et moi sommes intervenus dans le colloque organisé en parallèle par l'Institut des hautes études de Belgique. En 1986, la maison de l'anarchie à Saint-Gilles. Librairie, centre de réunion, exposition pour le 1er mai. Avec les attentats des CCC, les perquisitions et les intimidations, l'Alliance a connu une baisse de fréquentation qui a conduit à la mise en veille de l'association. Jean-Marie s'est encore impliqué dans la constitution du cercle MD. Les problèmes de santé et le décès du docteur Jean Cordier, qui en était l'artisan, n'ont pas permis de concrétiser ce projet. Jean-Marie n'était pas qu'un passeur de mémoire. Il a toujours cherché à réunir et à permettre d'organiser la résistance anti-autoritaire. Il a hébergé nombre de compagnons passant par Bruxelles. Il m'a aussi aidé lorsque j'ai rencontré des difficultés personnelles à la fin des années 90, alors que lui-même avait des soucis. Je regrette beaucoup que les alias de la vie nous aient séparés et j'ai une pensée très émue pour ses enfants, pour ses enfants et ses compagnes passées ou présentes. Éric, 31 mars 2020.